Le portrait d'un oiseau. Par les matins de printemps, je saisissais mon crayon et d'une main sûre, avec ma plus belle allure, je décrivais la nature au fond des plumes d'un oiseau sauvage. Du vert pour le tendre gazon des clairières, du jaune pour les éclatants boutons d'or, du bleu indigo avec un soupçon de violet pour les bleuets, du pourpre pour les doux pétales de roses au parfum délicat, ainsi que du marron pour l'écorce sillonnante nous menant vers la cime d'un arbre prestigieux. Sans oublier une touche d'orange pour les succulentes nèfles que nous allions cueillir dans le somptueux verger. Chaque couleur de ces plumes est un porte-parole sur la beauté de la nature. Tel est le portrait d'un oiseau. Lily Bégonia.